Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Aujourd'hui, La lèpre à Madagascar, un documentaire de Nejma Bouakra réalisé par Julie Béressi. Au départ de cette série, il y a ces mois sous le coup du coronavirus et cette question de comment cohabiter avec les maladies. Et aussi ces noms qui font peur, typhus, peste, choléra et les vies fauchées. Et puis il y a la lèpre avec laquelle on doit vivre. Alors pour commencer, les personnages. Un médecin qui précise, des malades qui s'ignorent, un homme avec une prothèse, une religieuse engagée, un médecin qui croit aux démons et des malades en communauté. Ensuite, le décor, Madagascar, l'exclusion, la médecine, la sorcellerie, un village de malades, des outils agricoles, des léproseries comme des mouroirs, des congrégations et des familles séparées. Mais au départ, on cherche une explication. La lèpre, c'est un gamma, un ancêtre, un fantôme qui brûle. Parce que les malades de la lèpre, ça arrive tout d'un coup, il y a des taches sur la peau ou il y a des griffes. Ça arrive comme ça parce que, bien sûr, ils ne pensent pas à l'incubation, que les maladies s'installent tout doucement, 5, 10 ou 15 ans plus tard. Mais un bon jour, ils voient qu'il y a des taches qui me font pas mal. Alors ils disent, mais il y a un fantôme qui a mis des choses sur ma peau. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une sorte de sorcellerie ? Parce que hier soir, je n'ai pas remarqué ça. Peut-être que ça existe, mais comme ça fait pas mal, ça ne gratte pas. Donc, comme si quelqu'un a jeté un sort sur quelqu'un d'autre, au lieu d'aller voir le médecin pour le guérir, il faut avoir un guérisseur traditionnel. Donc, le guérisseur traditionnel va demander beaucoup de choses, un zébu, toute la richesse pour pouvoir guérir la maladie. Malheureusement, quand la personne il a tout dépensé, la lèpre s'installe quand même. Toi, tu es vraiment maudit. Je n'arrive plus à te soigner. Bon, il abandonne. Angama, la lèpre. Un ancêtre brûle. La lèpre et son faciès léonin. Aplatissement de la paroi nasale, bouche révulsée, le corps aux extrémités rongé. Cela suffit. Une fraction de seconde, comme un réflexe reptilien, nous reconnaissons les signes sur un corps, un visage, évident. Une maladie que l'on ne peut pas ne pas connaître. Myriam, toute blanche, dans le désert, frappée de taches pour s'être opposée à Moïse. La lèpre, présente sur les momicoptes, s'étend dans tout le pourtour méditerranéen, dans l'Europe du XVIIe siècle, puis elle disparaît subitement, bien avant les antibiotiques, pour réapparaître. On la croit vaincue, et pourtant elle demeure toujours présente aux quatre coins du monde. Elle voyage peu, est peu contagieuse, et se maintient, pour peu qu'on la chasse, plus loin. Admettre que la lèpre sévit encore en 2015, alors qu'elle se soigne, que l'on en guérit en quelques mois sans plus être contagieux, c'est se désigner comme un pays arriéré. Mieux vaut l'ignorer, faire taire la menace. Madagascar est un des 5 pays d'Afrique le plus touchés par la lèpre. Depuis la crise politique de 2009, l'aide internationale arrive au compte-gouttes. La corruption ronge les institutions, le pays sombre. En 2010, les dépenses de santé ont diminué de 30% par rapport à l'année précédente. Le budget de la santé pour 2012 a été réduit de moitié par rapport à 2011. En 2015, 50% de la population n'a pas accès à un centre de santé. La maladie est moins négligée, selon les termes convenus de l'OMS, qu'occultée. On la refuse. On la dit vaincue pour mieux contraindre les malades à disparaître. Les lépreux sont chassés loin des vivants et ces vies à peine visibles survivent accolées à l'oubli et la mort. Angama, un ancêtre brûle. Les malades ont disparu du paysage, à moins de décider d'aller les rencontrer aux confins de cet immense pays. La lèpre n'est pas disparu à Madagascar, mais c'est l'OMS qui a défini que la lèpre est éliminée à Madagascar. Docteur Drin. Et quand on parle d'élimination, c'est tout à fait différent de l'éradication qui signifie disparition totale. Ça veut dire que Il y a des cas à Madagascar, mais c'est par rapport à la population totale, c'est-à-dire quand on a défini que la lèpre est éliminée dans un pays. Et pour Madagascar, ça a été déclaré en 2006, puisque la prévalence à Madagascar était à moins de 1 cas sur 10 000 habitants. Mais je peux affirmer que la lèpre existe à Madagascar, et même des cas cachés, des cas non accessibles au diagnostic existent encore dans notre pays. Soyons clairs, en milieu rural, notamment à Madagascar, la dermatologie ne fait pas partie des préoccupations premières ni des populations ni des personnels de santé. Docteur Bertrand Cauchois. Donc quand la lèpre est à un stade relativement débutant, c'est-à-dire au stade dermatologique, malheureusement souvent elle est laissée pour compte et pas prise en charge. Pour citer un exemple, la semaine dernière une religieuse nous a contactés en disant que dans un village en plein centre de Madagascar, à on va dire 150 km de la capitale, elle avait identifié une petite fille qui était fortement suspecte de lèpre. Mais malheureusement, dans un village reculé où le diagnostic de la lèpre n'a pas été posé. Et on a trouvé cet enfant qui était à 50 km d'une petite bourgade où il y a un centre de santé, où les personnes sont habilitées à prendre en charge la lèpre. Mais ces 50 km, elle n'avait pas pu les faire. Et quand vous dites un stade avancé, qu'est-ce que cela signifie quand on est une jeune fille? Alors la lèpre, classiquement, l'expression ne vient pas de moi, mais on dit que la lèpre, c'est une maladie qui lèche la peau et qui mord les nerfs. Et donc, elle était à un stade où les défenses de son organisme s'attaquaient non seulement aux nerfs, mais à d'autres organes, et il y avait un risque de mort pour l'enfant, si elle n'était pas prise en charge. Et donc, on a essayé de savoir quelle était son histoire, et en fin de compte, c'est une petite fille. Alors, est-ce que c'est la lèpre qui en est l'explication, qui avait été abandonnée par sa famille? Sa mère n'était plus là, son père était peut-être dans un champ en train de travailler. On a appris qu'elle vivait en gros toute seule, avec sa sœur. Mais sa sœur, n'étant pas malade, ne se souciait pas trop de l'évolution de cette petite fille. Quoi. On s'est fait décrire les symptômes que pouvaient avoir des gens dans l'entourage et on a constaté qu'il y avait effectivement des lépreux autour, mais on ne les a pas vus. Les cas graves de lèpre sont aussi présents que par le passé? Oui, puisque si on regarde la statistique, de 2006 à 2013, la proportion des malades ayant des infirmités 2 ou des lésions visibles est allé de 10% à 22%. C'est-à-dire qu'il y a ce problème neurologique. Et ça, c'est à cause du retard du diagnostic. Et quand je parle du retard du diagnostic, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à ce retard. C'est-à-dire que le malade qui ignore la maladie, et ça à Madagascar, ça existe. Les Malgaches ont une certaine manière de considérer la lèpre, puisque à Madagascar, presque une partie de la population considère que la lèpre est due à une cause surnaturelle. Donc quand on parle de cause surnaturelle, ça pourrait être dû à des sorcelleries. Par conséquent, donc, dès que un membre de famille voit que quelqu'un a une ou des taches de la lèpre, là s'applique l'exclusion de ces malades. Et c'est cette exclusion qui, des fois, entraîne le retard du diagnostic, c'est-à-dire que le malade n'est pas décidé pour aller au centre de santé. Qu'est-ce que signifie l'exclusion quand on est lépreux? L'exclusion, en général, concernant la lèpre, c'est d'une part le refus de la famille ou de la communauté vis-à-vis d'un malade, c'est-à-dire le refus de vivre avec un malade, le refus de travail, le refus d'aller à l'école. Mais en général, c'est un refus pour empêcher que les malades ne vivent pas avec la population. Tous venus de la léproserie de Manakaval, des hommes et des femmes sont là, amassés dans une campagne déserte, entre des collines verdoyantes. Ils continuent d'effrayer. Il vous est défendu d'accéder au puits, de partager votre vie avec d'autres. Vous vivrez séparément. Cet ancien ordre n'est plus. Il ne contamine plus personne. Et pourtant, il reste rivé à un coin de solitude. On fait le tour du village pour arriver. C'est le village que nous voyons ? Oui, c'est le village que nous voyons maintenant. Ce sont des villages des lépreux. Ils ont été soignés, mais ils sont restés handicapés parce que leurs dépistages ont été tard. Yeka. Il me connaît. Docteur Mami. Manu. Mami. Manu. Manu. Oui. Monsieur Manu. Oui. Salamat. Ya, problème matena ratsi tena ratsi ni si faratsina yon fiena. Ça va pas. Regardez, notre handicap nous pose vraiment des problèmes dans la vie de tous les jours. C'est dur, l'invalidité. Et en plus, nous sommes de plus en plus nombreux ici. On se bat avec la bêche, mais on n'arrive plus à faire grand-chose avec les mains. Et les pieds, là, c'est très très grave. On voit une sorte de... Qu'est-ce que c'est ce matériel ? Il y a une sorte de matériel plastique en inox à la place de la jambe, avec deux tiges en bois à la place de l'os qui est détendu. Mais votre prothèse, elle est très ancienne, monsieur ? Oui, 81, oui, 81 plutôt. Et vous, vous êtes physiquement solide ? Pour moi, il n'y a que cette main qui est atteinte. Avec cette main, quand je coupe les herbes, je suis un peu gêné. Monsieur nous montre ses griffes, donc une main où les doigts sont devenus des moignons. Quand est-ce que vous vous êtes installé là ? 1998. Là-bas, nous étions soignés à l'hôpital de Manakavali. Mais ici, nous nous prenons en charge nous-mêmes. Mais nous avons des problèmes maintenant. C'est le Vaza, l'étranger, qui nous a amenés ici pour la première fois, avec le pasteur. Mais ce Vaza est mort maintenant, et les problèmes et les soucis ont commencé. C'est de plus en plus dur maintenant. Quelle était l'idée en venant s'installer ici ? L'objectif était que nous subvenions nous-mêmes à nos besoins, en mettant à notre disposition de larges terrains. Pour nous sauver, il fallait qu'on se prenne en main. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il n'y a pas de grands changements. Leur conception, c'est qu'il y avait des tracteurs pour que les malades puissent vivre à Mahadzir. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Mais ça fait longtemps qu'on n'utilise plus le matériel agricole et il reste là. Ça devait être notre outil de survie, on ne sait pas trop. En fait, c'est le centre qui nous les a octroyés avec le pasteur Hirschoul et puis un autre qui est en haut là-bas, le pasteur Rabbé François dans Bouimiande. C'est eux qui nous ont donné ces tracteurs. Voilà les tracteurs pour que vous puissiez vivre. Vous pourrez les utiliser pour travailler et obtenir des salaires. Et maintenant, les tracteurs sont immobilisés. On ne sait pas trop quoi faire avec. La culture est primordiale pour nous. Jusqu'à maintenant, on arrivait à cultiver. Mais aujourd'hui, les patates douces et le manioc sont volés par les gens. Et ils sont même revenus plusieurs fois. Il y a 2 ans, du matériel a même été volé dans nos maisons. Voilà ce qui nous arrive. On peut dire que nous sommes exclus. Donc maintenant, vous n'avez plus de soutien. Non, c'est fini. Aidez-nous, nous avons vraiment des problèmes. Aidez-nous. Aidez-nous. On nous a dit, vous allez vous installer, vivre, cultiver, parce qu'il y aura une petite aide, pour quelque temps et même à long terme. Puis petit à petit, vous serez autonome. Ce village, nous l'avons compris, nous devions y être heureux pour toujours, et non pas y souffrir. C'est ce qui devait être. Or, ces temps-ci, ça nous donne vraiment des problèmes, et ça nous fait souffrir. Il n'y a plus de bonheur. Nous ne vivons plus. Nous sommes vraiment comme mis de côté. Dans les villages lépreux, on trouve des lépreux entre eux. Ils se sentent un peu rejetés, isolés, parce que les autres personnes ont peur d'aller chez eux. Donc ils font leur vie entre eux. Ils se marient entre eux. Les enfants ne vont pas à l'école ailleurs. Donc c'est pour ça que nous, les sœurs, les missionnaires, on va vers eux pour pouvoir expliquer qu'il faut sortir de cette clôture parce que il faut se soigner, il faut limiter les infirmités pour pouvoir être comme les autres, bien sûr. Mais c'est pas facile à faire parce que même si eux, ils essaient de sortir, les autres quand même, ils ont peur. Donc voyez un peu la blessure psychologique, je dis, qui est chez les lépreux. Qu'est-ce qu'on leur dit? Dis-nous, les gens ont peur de nous. On dit, c'est lépreux, famille de lépreux, enfants de lépreux. Donc c'est comme une sorte des personnes maudites sur la terre, quoi. Comme dans la Bible, quoi. Les gens pensent, oh, c'est une descendance maudite, ça, qui n'a pas de chance, ils sont contagieux, ils sont abîmés, on ne peut pas travailler avec eux, on ne donne pas de travail. Voilà. Mais quand on est lépreux, quand on entre dans les villages, on sonne des cloches et on dit, on est sale, mal propre, mal propre. Donc les gens, ils s'éloignent pour ne pas les rencontrer. Donc c'est comme ça, je dis, vous êtes lépreux, il faut sonner la cloche pour dire, non, on est impur, on est impur, éloignez-vous. C'est vraiment l'humiliation, quoi, c'est une maladie qui humilie. Où sont-ils, ceux qui se disent pudiquement atteints d'une maladie de peau? On nous dit qu'ils gravitent autour des anciennes léproseries, aux alentours de certains dispensaires, des mouroirs. Allez-y, nous dit-on. Nous savons que c'est ici leur dernière demeure, que dans ces lieux-là, ils sont très abîmés. Ils ne rentreront pas chez eux. Ils ne seront pas enterrés dans le tombeau familial, la tradition dit qu'on ne peut entrer qu'entier dans sa tombe, ils resteront hors du lignage, sans attache, sans territoire, entre deux mondes dans une attente indéfinie. Bonjour, vous êtes sœur Amélie ? Oui, bonjour. C'est votre congrégation ici? Oui, nous sommes là au centre Bienheureuse Anna Michelot à Mouramang. C'est une congrégation de religieuses qui s'occupe de malades? Oui, c'est chère petite servante du Sacré-Cœur de Jésus. Le centre s'occupe surtout des malades tuberculeux, les malades cancéreux en phase terminale et aussi les lépreux. Et quel est l'esprit des malades ici? Ils sont dépendants, comme ça. Parce qu'ils sont très malades, il y en a qui se découragent parce qu'il y en a qui sont abandonnés par leur famille, toujours à cause de la pauvreté comme ça. Alors il y en a qui se sont seuls, c'est pour ça qu'on est ici, pour leur soulever la morale, alléger les malades comme ça. Ma sœur, ici, les familles que vous soignez, elles ont très peu de revenus. Comment elles viennent jusqu'ici? Elles viennent avec le taxi brousse, elles viennent à pied, avec le pousse-pousse. Le pousse-pousse est un homme qui porte quelqu'un dans une chaise en bois. Oui, le pousse-pousse. Ils font des efforts pour venir quand même. La famille se cotise parfois pour les gens. Mais quand la famille est déjà expulsée par la famille, donc les gens viennent ici pour sa propre moyen lui-même. Souvent, ils sont atteints gravement de la lèpre parce qu'ils ont un trouble au niveau des pieds, des mains, comme ça. Ils viennent ici à l'hôpital pour se soigner. Je vous suis. voilà les personnes qui sont là, qui travaillent ici. Il y a des sœurs et des personnels d'appui aussi. Il y a des infirmières. Bonjour. Ici, c'est Sandra, tu es malade aussi. Malade hospitalisée. Vous prenez le soleil ? Je prends l'air. En ce moment, j'ai une plaie qui sèche. J'attends qu'on me fasse un pansement. Ça fait longtemps qu'ils sont ici ? Je suis soigné depuis 20 ans ici. Quel âge avez-vous, monsieur ? J'ai 45 ans. Je m'appelle Ralai Velu. Je suis là pour une maladie de la peau. Le monsieur nous montre son pied. Qu'est-ce que vous voyez, docteur ? C'est une plaie due à l'insensibilité. Et comment est sa plaie ? Sa plaie, c'est une plaie infectée, hein, qu'il doit soigner. Et vous, monsieur, est-ce que vous avez toujours des douleurs ? Ce sont mes yeux qui me font mal. Celui-là, on l'a déjà soigné. Mais pour l'autre, ce n'est pas encore fini. J'ai toujours des larmes qui coulent. L'œil ne veut pas se fermer. Quand il fait froid, ça me brûle. Mais là, ça va mieux. Je ne supporte pas le soleil si je n'ai pas mes lunettes. L'œil gauche qui est déjà opéré, elle porte bien. Mais l'autre qui n'est pas encore opéré, ça souffre beaucoup. Et vous savez quand est-ce que cette opération va se dérouler ? La date, je ne la connais pas. On ne sait pas encore quand exactement. J'attends les chirurgiens. Depuis combien de temps vous l'attendez ? Ça peut être 5 mois, ça peut être 3 mois. Vous avez perdu de vue votre famille ? Dans ma famille, beaucoup ne m'ont jamais vu malade. Ce sont mes parents qui m'ont vu malade, mais ils sont morts. Est-ce que vous pouvez imaginer comment vous avez attrapé la lèpre ? J'ai attrapé la maladie avec une tache blanchâtre. Puis, après 3 années, j'ai ressenti une douleur au niveau des yeux, avec des larmoiements. Est-ce que vous savez si c'est quelqu'un qui vous l'a donné, cette maladie ? Non, personne ne m'a contaminé. Personne n'a été atteint dans mon village. C'est une sorte de maladie fabriquée par quelqu'un. Il y a des gens malfaisants qui habitent tout près de chez nous. Avant, j'étais connu comme étant un homme très solide au travail. Peut-être quelqu'un m'a jeté un sort. Ça a commencé par la plante des pieds, puis par la main. Peut-être aussi, selon certains, je ne sais pas trop, c'était un fadi, un tabou, que j'ai enfreint sans le savoir. C'est à la fois un sort et un fadjazan, un tabou des ancêtres. Quelqu'un a trouvé mes pas. Il découpe l'empreinte de mes pas. Il emmène la trace quelque part, je ne sais pas. Ils ont fait je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que je suis malade. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de la vie, vous qui attendez ici depuis 20 ans déjà ? Pour la vie, je ne sais pas. Si je suis guéri, c'est ma destinée. Mais je ne sais pas quand est-ce que je serai guéri. Je me creuse la tête maintenant. Après la guérison, on verra. Vous pensez que la vie sera différente après la guérison de vos yeux ? Si je suis guéri, je pourrai voir mes enfants. Je devrais absolument voir les enfants. Il faudrait vraiment que je les voie. Quand je serai là-bas, pour leur rendre visite, et que je verrai qu'ils sont tous en bonne santé, ça ira. Ça fait 15 jours que je leur ai écrit une lettre. Mais je ne sais pas si la lettre a été reçue. Quelqu'un l'a emmenée et j'attends. Vous qui êtes soigné ici depuis 20 ans, vous n'avez pas peur du retour? Pas de quoi avoir peur. C'est la terre des ancêtres. Quelqu'un qui rentre n'a pas à avoir peur. Même à 50 ans, même si ça fait longtemps que je suis parti, je peux reconnaître mon village. Vous savez, certains espéraient ma mort. Mais en fait, c'est quelqu'un qui porte mon nom, un homonyme qui est mort. Moi, je leur ai dit, je suis toujours en vie. Docteur Manu Samuel, on peut ressentir une certaine pudeur de la part des personnes atteintes de la lèpre. Les patients qui sont ici, ils revoient très peu leur famille. Le monsieur que nous avons vu s'appelle Ralai Velo. Sa famille, il n'est jamais vu sa famille. Il est ici pour le voir et pour le visiter. Mais il envoie souvent des lettres pour sa famille. Qui est-ce qui écrit ces lettres? C'est lui-même qui va écrire la lettre. La lèpre, c'est une maladie étrange parce que on l'observe bien, on peut vite la diagnostiquer, mais les malades ont l'impression que la maladie dure. Oui, la lèpre, c'est une maladie guérissable. Mais comme les microbes qui sont dans le corps d'un lépreux, ça va entraîner une réaction inflammatoire. Donc, c'est le nerf qui est atteint. S'il y a un retard de prise en charge de cette réaction inflammatoire, le bacille va attaquer le nerf et qui va entraîner des griffes. Griffes, c'est-à-dire les doigts sont fixés, durs et qui ne sont pas souples. Parfois, douloureux. Comment est-ce que les gens comprennent que la maladie est soignée mais qu'elle continue? On parle aux malades que la maladie, c'est une maladie guérissable. Mais parfois, la maladie accompagne souvent d'une complication. Donc, la complication survient même à un malade qui est déjà guéri. Donc, on explique ça. C'est un phénomène immunitaire, c'est-à-dire il y a toujours une réaction. Mais comment vous expliquez à des gens qui ont l'impression d'être maudits, d'avoir reçu une malédiction, comment vous leur expliquez que c'est une réaction normale du corps? C'est très difficile d'expliquer ça aux gens, car la lèpre, c'est une maladie des pauvres. Donc c'est difficile, mais on arrive quand même à expliquer que ce n'est pas une maudite, mais c'est une microbe qui entre dans le corps grâce à quelqu'un qui l'a transmis. C'est ça qu'on a expliqué. Quand on voit les lépreux, s'il y a d'autres malades, on prend d'abord les autres malades à la chirurgie. Et quand il y a des opérations à faire, la façon dont on traite les autres malades opérés, c'est autre que la façon dont on traite les malades les préopérés. Comme s'ils sont moins malades. Souvent, on manie les lépreux avec moins d'intention qu'avec les autres malades. Et ça se voit souvent dans les services. Quand on fait la consultation, quand on fait l'observation, le temps, la manière dont... d'accueillir même les malades. Les autres malades, quand on les a vus, on met sur les tables de consultation, n'est-ce pas? Mais les lépreux, on dit, déshabillez-vous. On enlève les vêtements, on met par terre. Hein? Et puis, il enlève les vêtements, puis les malades même met le vêtement par terre. Et quand même, j'ai dit, il faut respecter la pudeur. Je vois les femmes par peur, elles font tout, comme si elles n'ont pas le choix. Et nous, on lit par le regard, par le visage, que, qu'est-ce qu'on fait les gens ils disent beaucoup par leur manière de regarder. Comme s'ils crient, le cri silencieux des malades. Ils disent rien, mais moi je lis toujours ce cri silencieux. On se laisse faire, mais au fond c'est douloureux. Avec sa voix douce, on ne s'attend pas à une si grande détermination. Lorsque les léproseries sont officiellement fermées en 2009, puisque l'on est assuré que l'on peut guérir de la lèpre, et surtout que les malades ne sont plus contagieux, la maladie n'est plus prioritaire. Les lépreux disparaissent dans la nature, en réalité leur vie est écourtée, comme des millions d'invalides dans les pays les plus pauvres du monde. Ces malades, abandonnés à leur vie de lépreux, errant ou reclus dans des zones reculées, Sœur Clémence ne les oublie pas. Juste en face d'une colline granitique, en Bouimang, des feux s'allument pour veiller les morts. Derrière la colline, nous dit-elle, une famille de lépreux se terre. Sœur Clémence ne consent pas à rendre la maladie ordinaire. Elle se tient prête à ouvrir un nouveau dispensaire. Sa vocation est, tout comme l'air qu'elle respire, indispensable. La vie avec les lépreux, ou considérer les lépreux, je crois que c'était ma vocation à l'âge de 15 ans. Parce que dans notre village, je suis native de Tana, dans notre village, il y avait un monsieur lépreux avec des grosses chaussures. Et à ce moment-là, on taquine le monsieur. Monsieur avec des gros pieds, grosses chaussures, gros pieds. Et lui, il sourit toujours. Et toujours à l'âge de 15 ans, je suis allée à Manakaval pour visiter les malades lépreux avec une équipe, avec les sœurs aussi. Parce qu'il y avait un quartier spécial pour les lépreux qui s'appelait Manakaval. Manakaval, c'est un lieu où on avait soigné les lépreux, même jusqu'à maintenant, où on a soigné les malades d'une grande léproserie dans l'époque. Ça existe encore, Manakaval, maintenant. Et j'ai rencontré ce monsieur. Et quand j'ai dit, monsieur, je suis de Sakambayin, Banlalan. Alors, il sourit encore. Alors, j'ai demandé à la sœur de donner à manger parce qu'il n'a plus des mains. J'ai dit, ma sœur, est-ce que je peux donner à manger à ce monsieur? Alors, la sœur a dit, non, il ne faut pas parce que c'est contagieux. La lèpre, donc il ne faut pas donner à manger, il ne faut pas toucher à ses affaires. Et cette interdiction m'a profondément marquée. Alors j'ai dit, mais un jour, je vais soigner la lèpre. Comment ça vous est apparu, cette léproserie? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, j'ai vu des malades qui étaient tellement abîmés, les yeux, des visages terribles. Les yeux qui coulent, les mains, les pieds, il y a beaucoup de pansements. Donc à ce moment-là, c'est terrible quand même de voir les malades. Moi, j'ai pleuré parce que je dis, mais des êtres humains, c'est comme ça. Mais pourquoi il y a des malades comme ça? Et ça m'a beaucoup marqué. Et à cette époque-là, on ne savait pas soigner les lépreux. À ce moment-là, oui, parce qu'il y a tout le temps des pansements. C'est pas comme avant, la technique évolue beaucoup. À ce moment-là, on donne des médicaments d'Absom tous les jours. Et même l'endroit, ça sent, on sent que ça sent mauvais. Mais bon, après, depuis, je ne sais pas trop la date, depuis 1980 ou autour de 80, quand on a découvert les médicaments, les polychimiothérapies, on a évolué vite. Parce que la lèpre, en fait, ce n'est pas une maladie de la peau comme on pense, mais c'est la maladie qui touche les nerfs. Donc il y a des insensibilités que même si on a des épines qui piquent, les malades ne se défendent plus parce qu'ils sentent plus rien. Nous, les sœurs, soignent les lépreux avec le sentiment. Donc à un moment donné, il y avait quand même des critiques un peu négatives sur le travail des sœurs. On dit, oh, vous augmentez le nombre des malades, il faut diminuer les lépreux, il faut... C'était passagère, ça, parce que nous, on a beaucoup réagi. Qu'est-ce qui vous était reproché? Dans la léprosie, il y a trop de malades, alors que normalement, les lépreux devraient retourner dans leur village au lieu de rester dans la léproserie. Et nous, on dit, mais faire retourner les lépreux dans leur village, il faut comprendre qu'ils sont rejetés, où est-ce qu'ils vont? Il faut d'abord préparer la société pour accueillir les lépreux, mais ne pas rejeter encore ces gens-là dans la nature. Donc j'étais un peu fanatique quand même quand je les protège. C'était pression politique qu'on vous a faite, un peu. Un peu, oui, pour dire vite qu'on a vaincu la lèpre, qu'on a de l'élimination de la lèpre. J'ai dit, il ne faut pas trop... Bien sûr, on veut que ce soit atteint, cette élimination de la lèpre. Mais après, faire retourner les malades lépreux tout de suite dans leur village, j'ai dit, il faut les préparer. Parce qu'il y en a qui sont arrivés là-bas, ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus de toit. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils restent toute la journée, ils ne peuvent pas travailler. Il faut voir comment réaliser ce retour des malades dans leur village. En plus, quel village? Où est le village? Leur village, mais c'est où leur village? C'est dur cette route, hein? Oui, nous sommes sur une route secondaire, très difficile, avec une, même avec une 4x4, et entre dans des forêts d'eucalyptus. C'est un village très reculé, hein? Oui, c'est un village très reculé. Il y a beaucoup de déviations. S'il n'y a pas quelqu'un qui va nous indiquer le vrai chemin, peut-être ça va entraîner une perte. Personne ne veut pas aller à ce village parce que la plupart des gens ont peur d'y aller. Ça fait bien peut-être 3 quarts d'heure que nous roulons. Est-ce qu'on peut apercevoir le village maintenant d'ici? Oui, on voit les toits des villages qui est encore un peu plus loin. Donc peut-être dans 5 minutes, quelques kilomètres encore, qu'on arrivera dans le centre. Donc nous sommes dans une sorte d'immense prairie. Il n'y a aucun autre village aux alentours. Et tout au fond, nous pouvons apercevoir des chaînes de montagne. Il n'y a personne tout autour. Personne tout autour, parce que c'est la conception avant. On a fait exclure les prairies avant. Et c'est pour cela qu'ils sont toutes vraiment isolés. Il est impossible d'aller visiter le village pendant la saison des pluies. Docteur Manou, nous avons roulé bien 2-3 heures. Nous sommes passés par plein de petits bourgs, petites communes, puis nous avons quitté la route principale. Il est long ce chemin? Oui, nous avons quitté la ville de Tananarive en passant de Talatamati et puis vers Mahitz. Et à 8 km de Mahitz, on a dévié à droite et on a laissé la route principale et on a passé dans un centre luthérien appelé Ambumiadna qui soigne les démoniaques grâce au nom de Jésus. Qui sont ces gens démoniaques? Les démoniaques, ce sont des gens où ils ont des démons dans sa vie. C'est une bâtisse blanche avec des volets bleus, un petit peu sombre. Ils sont un petit peu enfermés là-dedans? Oui, ils sont tous fermés parce que il y a des gens démoniaques qui sont un peu agressifs. Et il y a des gens qui sont mettre des chaînes sur les pieds pour ne pas s'enfuir comme ça. Donc c'est le démon, c'est grave pour les gens. Docteur Manou, comment est-ce qu'on fait pour éloigner le démon des gens? Oui, grâce, parce qu'ici c'est le centre de luthérien. Donc c'est au nom de Jésus-Christ qu'on soigne les malades par la parole de Dieu dans la Bible. Oui. Vous croyez à cette parole? Oui, bien sûr. Moi, je suis intégré dans le centre luthérien qui s'occupe aussi des malades démoniaques. Et vous connaissez des gens qui ont été habités par le démon? Oh oui, moi j'ai déjà vu et j'ai travaillé dans notre église qui soigne les gens démoniaques. Alors, docteur Manou, nous allons aller vers ce lieu où vivent des lépreux, où ils ont la possibilité de travailler. Vous vous dites anciens lépreux, mais pour les gens ce sont toujours des lépreux et d'ailleurs ils ne sont pas intégrés à la vie sociale. Oui, dans la pensée des gens actuellement, un lépreux reste toujours un lépreux. Ils sont rejetés de la société. Ça fait longtemps, les gens pensent que la lèpre, c'est une malédiction. C'est une maladie de sorcellerie. Les gens pensent ça. Qu'ils avaient aussi le démon, alors? Non, le démon et la lèpre, c'est chose différente. Hein. C'est une maladie très, très différente. Mais les lépreux, on a pensé longtemps aussi qu'ils avaient... Qu'ils avaient été envoûtés. On a pensé longtemps qu'ils portaient le diable en eux. Il n'y a pas de relation entre Satan et la lèpre. À mon avis, en tant que médecin, la lèpre, c'est une maladie due à une mycobactérie, à un microbe. Mais pour le démon, ça, c'est autre chose. Du point de vue acte démoniaque, c'est pas le problème de conscience. Le conscience des gens n'est pas continu. Il y a une discontinuité. Dès que les démoniaques partent, l'homme devient normal. Et le démon arrive encore, il devient inconscient de sa personnalité encore. C'est ça. Mais comment un docteur comme vous peut croire aux démons ? Oui, moi je suis docteur et aussi moi je suis chrétien. Je pense que les démons existent. Donc il y a une manifestation démoniaque à tous les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept maisons blanches, toutes construites en cercle autour d'une cour centrale. Salam à tout le monde. Salam à Manon à Taou. Salam à tout le monde. Vous venez avec nous ? Entrez, entrez, il fait froid. La dame nous montre sa maison, nous y entrons. Nous sommes entrés, il y a devant moi trois femmes et puis deux jeunes filles, dont une qui porte un bonnet parce que c'est l'hiver. Une autre femme entre et puis encore une autre. Ça fait 40 ans qu'on s'est rencontrés à l'hôpital de Manakaval. Ça fait 40 ans. À quoi ça ressemble, Manakaval? Manakaval, c'est la maladie des peaux. C'est là qu'on est hospitalisé. Ensuite, en sortant de là, nous nous sommes installés ici pour faire de la culture et de l'élevage. Mesdames, on voit que certains de vos membres ont été abîmés par la maladie, vos mains, et puis pour une autre dame, vos jambes sont cachées par une sorte d'armure en fer qui remonte jusqu'aux genoux. Comment est-ce qu'on fait pour travailler les champs, dans les champs, avec ces difficultés-là physiques ? Je peux très bien travailler dans les champs. Quand j'arrive au champ avec mon attel, je peux travailler sans problème. Et comment faites-vous pour tenir des outils avec vos mains ? Ça va toujours. Je peux travailler quand j'ai un mental fort. Mon handicap, je le porte tout le temps, vous savez. Je dois tout faire pour réaliser ce que j'ai à faire. Et ne pas attendre quelqu'un. Est-ce que vous pourriez nous décrire vos mains, comment vous les utilisez, puisque vous n'avez plus de doigts à partir de la première phalange? Pour les mains, c'est la maladie qui les a rendues comme ça, parce que je n'étais pas soignée le temps que j'étais au village. Quand je travaillais, ça saignait, c'était douloureux. Tant que je n'étais pas soignée, c'était toujours des plaies ouvertes. Ce n'est que quand je me suis soigné que les plaies ont guéri. Je peux même me servir de mes mains sans difficulté. Je peux même utiliser le pilon pour piler le riz. Mais comment, là par exemple sur vos doigts, on aperçoit des écorchures, hein, des plaies toujours ouvertes. Est-ce que vous souffrez toujours ? Je sens la douleur depuis que je prends les médicaments. Mais avant, je ne sentais pas la douleur quand je ne me soignais pas. Pour ma maladie de peau, on l'avait déjà remarqué quand j'étais encore à l'école. Et on ne l'avait pas soigné. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Je suis resté comme ça. Je suis allé à l'hôpital en 90. Je devais avoir 25 ans. J'étais déjà malade quand je me suis mariée. Ce n'est qu'après que j'ai eu un enfant. Moi, j'étais déjà mariée quand je suis tombée malade. Dès qu'il a su, il m'a quittée. C'est pour ça qu'on aime vivre ici. Parce qu'ici, on vit avec tous ceux qui ne sont pas avec leur famille. C'est mieux d'être ici. Ça fait combien de temps, madame, que vous êtes ici ? Je ne sais plus trop. Ça doit faire 20 ans. Non, ça fait seulement 18 ans. Ou plutôt 14 ans. Non, 17 ans. Monsieur s'est approché de nous. Vous aussi, monsieur, vous êtes là depuis 17 ans ? Moi, 20 ans. Ah. Non, pas tout. 25 ans. Comment dire, mon village natal n'est pas loin d'ici, vous comprenez? Mademoiselle Renaud a recherché un endroit. C'est grâce à moi qu'on a trouvé cet endroit-ci. Car Sœur Renaud m'avait confié la mission de rechercher un site. On a vu trois endroits. Mais celui-là, on l'a vu. C'est ici que je me suis senti comme dans un village natal, car tout le monde s'entendait bien avec moi. C'était quand je n'étais pas encore malade. C'est pour ça que j'habite ici, pour aider. Pour être avec tous mes amis malades, voilà la raison. Monsieur, derrière vous, il y a un très beau tracteur. Quoi ? Les sourds, celui-là. Je n'entends plus très bien. Alors voilà. Pour ce tracteur, il y a eu une grande fête pour le transfert ici de malades de l'hôpital de Manakavali. C'était l'année dernière. Cette chose-là, on l'a eu de la fondation. Qui se sert de ce tracteur ? Il n'a jamais été utilisé. Personne ne l'a encore utilisé. Et ça ne fonctionne pas encore. Personne ne sait l'utiliser. Donc ça reste là depuis qu'on l'a eu. Ça ne marche pas. Vous saviez si c'était une bonne terre pour la culture ? Qu'en pensez-vous, vous autres ? C'est bien, c'est très bien. La terre ne ressemble pas à la terre à l'ouest ni à la terre à l'est. C'est Kusikusa. La terre a besoin d'engrais ici. Comment, pendant toutes ces années, vous avez fait pour vous nourrir et vous vêtir ? Pour nous tous ici, sans exception, nous cultivons comme nous pouvons. Nous faisons autant que nous pouvons, mais on n'arrive pas à produire pour tous nos besoins. Nous faisons des efforts comme tout le monde. Et en plus, nous avons quand même une petite aide de la famille de Mademoiselle Renaud. Elle est décédée, mais sa famille nous aide encore. Ce sont eux qui viennent de temps en temps nous aider un peu. Ils envoient de temps en temps quelques petites choses, de la nourriture. C'est ce qu'on a encore actuellement comme aide. Tous les 5 ans auparavant, ils venaient. Mais maintenant, ils sont vieux. Ils ont plus de 80 ans dans la famille. Ils ont des difficultés, ils sont à la retraite. Ah non, ils n'arrivaient pas ici. Madame, est-ce que vous avez pu, vous aussi, reconstruire une famille ici ? J'avais déjà un enfant, et à l'hôpital, j'ai encore eu un enfant. J'ai amené cet enfant avec moi ici. Cet enfant s'est marié il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier enfant que j'ai eu est mort-né. C'est celui que j'avais quand je n'étais pas encore malade, quand je n'étais pas encore à l'hôpital avec mon premier mari. C'est plus tard à l'hôpital que j'ai eu l'autre enfant, cette petite fille que j'ai amenée ici. C'est ici qu'elle s'est mariée et elle a déjà un enfant. Celui qui est mon mari depuis 10 ans à l'hôpital n'a pas pu me donner d'enfant. J'ai eu cet enfant avec un autre homme. Un amant en passant. Dieu doit penser que c'est bien et que ça devait se passer comme ça. Mon amant vient me voir tous les 100 ans, quelquefois. Mais il a son propre foyer. Selon la répartition de Dieu, chacun dans son foyer. Chacun doit avoir la foi. Il ne faut pas être amer du fait des problèmes de la vie. Et maintenant, avec qui vous avez de la tendresse? Avec qui vous pouvez parler de vos sentiments? Le monsieur? Mais on m'a dit qu'il était sourd. Nous ne parlons qu'entre nous. Nous ne parlons qu'entre amis de confiance et pas à n'importe qui. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Ce que je voudrais seulement ajouter, c'est que notre solidarité est notre pilier jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de soucis, parce que nous sommes déjà âgés. Nos corps sont fatigués du fait aussi de la maladie. La vie est dure et le coût de la vie est élevé. On ne peut rien faire contre tout ça. C'est pour cela que nous avons besoin de raffermir la solidarité et l'amour entre nous. Alors voilà, chacun son propre foyer. Mais nous sommes solidaires dans tous les actes de la vie. Nous sommes vraiment unis, nous nous entendons vraiment bien. Par exemple, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, attention, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas le cas actuellement, s'il y a un souci dans la vie, un très gros tracas, alors je peux discuter avec tous mes amis pour savoir ce que je dois faire. Parce que c'est comme ça que ça se passe entre amis. Quel est le dernier problème que vous avez eu et que vous avez pu résoudre ensemble? Au niveau de la nourriture, qui est un grand problème ici chez nous, parce que nous sommes fatigués, âgés, on ne peut plus travailler, donc on ne peut plus avoir de salaire. Et quand il y a pénurie dans une famille, c'est là que tout le monde devient solidaire. Nous, on partage le peu qu'il y a en donnant ne serait-ce qu'un kapok de riz, un grand bol. Ça arrive souvent. Il y a toujours des récoltes? Ça n'arrête jamais, mais on fait ce qu'on peut. Le problème, c'est que la lèpre, c'est une maladie et c'est aussi une atteinte sociale. On est lépreux malade et on peut être guéri de sa lèpre. Malheureusement, on reste lépreux toute sa vie. Et dans les statistiques, on oublie ça. Quand on vous dit qu'il y a 1600 lépreux dépistés à Madagascar, on oublie les plusieurs dizaines de milliers d'anciens malades, mais qui sont handicapés et qui restent, au vu de la société, lépreux à vie, donc confinés dans une vie de lépreux. Dans un pays pauvre, vous pouvez dire on va fermer les léproseries, mais si vous donnez rien d'autre aux malades, ils restent confinés entre eux. Et vous avez beaucoup de dispensaires, notamment confessionnels, qui, bien qu'ils aient abandonné le concept de léproserie, se retrouvent avec des dizaines de malades autour de chez eux qui cherchent le réconfort auprès des gens qui les ont soignés. Donc aujourd'hui, dire que la lèpre est éliminée parce qu'il y a moins de 1 cas pour 10 000 habitants, c'est ne considérer que les cas qui viennent se faire dépister et oublier tous ceux qui restent chez eux. Ce documentaire n'aurait pas été possible sans l'autorisation du docteur Drin, responsable du programme Lèpre au ministère de la Santé, le docteur Bertrand Cauchois, médecin conseil de la Fondation Raoul Follereau, la présence constante du docteur Samuel Manou et la bienveillance de sœur Clémence. Avec les voix de Bakou, Andriana Mapandri, Daniel, Rakotono Drenib, John, Andrayana Ruisoa, Serge Noël, Rana Evo. Sans oublier l'attention délicate de Nari Ramahandri. Au mixage, Pierre Mine. Attaché d'émission, Alison Sinard et Christine Bernard. Coordination, Irène Omelenenko. Un documentaire de Nejma Boikra et Julie Bérissi pour Sur les Docs. Enragée, malade, guérie, vaccinée ou pasteurien, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour nous réécouter à Tananarive, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.